inhalé du poison, se noyer dans la boisson, afin d'ignorer ses lacunes enfouies à l'intérieur. C'était pas dans l'action, se réfugier dans sa passion, s'occuper pour ne pas descendre à l'étage inférieur. C'est carré dans sa quête, au maître de formuler sa requête, inventif comme un cuistot sans son manuel de recettes. Ce bagage incomplet que l'on regrette, le salaud que l'on reflète qui voudrait périr et renaître. Oh, remettre l'inégalable, oh, commettre l'irréparable, oh, avec excuse et balabre, oh, implorer le pardon. Oh, que des bourdes et des gaffes, oh, de quoi se foutre des baffes, oh, ne jamais faire assez gaffe. Oh, oh yeah. Des objets fétiches dans les tiroirs, des produits qui pour les pleutres sont joyaux d'ivoire, rappelant anecdotes, frayeurs et victoires. Les appointants comme ces dérapages onéreux remboursés à crédit, lorsque la solvabilité s'oppose au déni. Yeah. La nostalgie taraude, lancinante comme une entorse, et ses préceptes d'hier s'immiscent dans le torse. Oh, remettre l'inégalable, oh, commettre l'irréparable, oh, avec excuse et balade. Oh, yeah. Oh, que des bourdes et des gaffes, oh, de quoi se foutre des baffes, oh, ne jamais faire assez gaffe. Oh, oh yeah. Implorer le pardon. Oh, yeah. Implorer le pardon. Oh, yeah. Abandonner la prétention, ooh, bannir la présomption, ooh, sans renaître à la rédemption, ooh, et sans vouloir. Wow. Jusqu'à tomber dans le désespoir. Wow, wow. Implorer le pardon. Oh, remettre l'inégalable. Oh, commettre l'irréparable. Oh, avec excuse et balade. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, que des bourdes et des gaffes. Oh, de quoi se foutre des baffes. Oh, ne jamais faire assez gaffe. Oh, implorer le pardon. Oh, remettre l'inégalable, oh, commettre l'irréparable, oh, avec excuse et balade. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, que des bourdes et des gaffes, oh, de quoi se foutre des baffes, oh, ne jamais faire assez gaffe. Oh, oh yeah. Trop d'erreurs.